Rhapsodie 6. Livrée à elle-même, la rude bataille des Troyens et des Achaïens se répandit confusément çà et là par la plaine. Et ils se frappaient, les uns les autres, de leurs lances d'airain, entre les eaux courantes du Simoïs et du Xanthos. Et le premier, Aias Télamonien, enfonça la phalange des Troyens et ralluma l'espérance de ses compagnons, ayant percé un guerrier, le plus courageux d'entre les Thraciens, le fils du Sauros, Acamas, qui était robuste et grand. Il frappa le cône du casque à l'épaisse crinière de cheval, et la pointe d'airain, ouvrant le front, s'enfonça à travers l'os, et les ténèbres couvrirent ses yeux. Et Diomédès, hardi au combat, tua Axylos Teutranide, qui habitait dans Arisbée bien bâti, était riche et bienveillant aux hommes, et les recevait tous avec amitié, sa demeure étant au bord de la route. Mais nul alors ne se mit au devant de lui pour détourner la sombre mort. Et Diomédès le tua, ainsi que son serviteur, Calésios, qui dirigeait ses chevaux, et tous deux descendirent sous la terre. Et Euryalos tua Drésos et Ophéltios, et il se jeta sur Aïsépos et Pédasos, que la nymphe Naïade, à Barbarée, avait conçu autrefois de l'irréprochable Boucolion. Et Boucolion était fils du noble Laomédon. Il était son premier-né, et sa mère l'avait enfanté en secret. En paissant ses brebis, il s'était uni à la nymphe sur une même couche, et enceinte, elle avait enfanté deux fils jumeaux. Mais le Mécistéiade brisa leurs forces et leurs souples membres, et arracha leurs armures de leurs épaules. Et Polypoïtès, prompt au combat, tua Astyalos. Et Odysseus tua Pidites, le Percosien, par la lance d'airain. Et Théocros tua le divinateur Arétaon. Et Antilochos, Nestoréide, tua Abléros de sa lance éclatante. Et le roi des hommes, Agamemnon, tua Elatos, qui habitait la haute Pédasos, sur les bords du Staénoïs, au Beaucourt. Et le héros, Leitos, tua Phylacos, qui fuyait. Et Eurypylos tua Mélantios. Puis Ménélaos, hardi au combat, prit Adrestos vivant. Arrêtés par une branche de tamaris, les deux chevaux de celui-ci, ayant rompu le char près du timon, s'enfuyaient, épouvantés, par la plaine, du côté de la ville, avec d'autres chevaux effrayés. Et Adrestos avait roulé du char auprès de la roue, la face dans la poussière. Et l'Atréide Ménélaos, armé d'une longue lance, s'arrêta devant lui. Et Adrestos saisit ses genoux et le supplia. Laisse-moi la vie, fils d'Atréus, et accepte une riche rançon. Une multitude de choses précieuses sont dans la demeure de mon père, et il est riche. Il a de l'airain, de l'or et du fer ouvragé, dont il te fera de larges dons, s'il apprend que je vis encore sur les nefs des Argiens. » Il parla ainsi, et, déjà, il persuadait le cœur de Ménélaos, et celui-ci allait le remettre à son serviteur pour qu'il l'emmenât vers les nefs rapides des Achaïens. Mais Agamemnon vint en courant au-devant de lui et lui cria cette dure parole. « Ô lâche Ménélaos, pourquoi prendre ainsi pitié des hommes ? Certes, les Troyens ont accompli d'excellentes actions dans ta demeure. Que nul n'évite une fin terrible et n'échappe de nos mains. Pas même l'enfant dans le sein de sa mère, qu'ils meurent tous avec Ilios, sans sépulture et sans mémoire. » Par ces paroles équitables, le héros changea l'esprit de son frère qui repoussa le héros Adrestos. Et le roi Agamemnon le frappa au front et le renversa. Et l'Atréide, lui mettant le pied sur la poitrine, arracha la lance de Phrène. Et Nestor, à haute voix, animait les Argiens. « Ô amis, héros d'Anaïn, serviteurs d'Arès, que nul ne s'attarde dans son désir des dépouilles et pour emporter beaucoup vers les nefs. Tuons des hommes. Vous dépouillerez ensuite à loisir les morts couchés dans la plaine. » Ayant ainsi parlé, il excitait la force et le courage de chacun, et les Troyens, domptés par leur lâcheté, eussent regagné la haute Ilios devant les Achaïens chers à Arès, si le Priamide Hélénos, le plus illustre de tous les divinateurs, ayant abordé Aïnéas et Hector, ne leur eût dit « Aïnéas et Hector, puisque le fardeau des Troyens et des Lycains pèse tout entier sur vous qui êtes les princes du combat et des délibérations, debout ici, arrêtez de toutes parts ce peuple devant les portes, avant qu'ils se réfugient tous jusque dans les bras des femmes, et soient en risée aux ennemis. Et quand vous aurez exhorté toutes les phalanges, nous combattrons, inébranlable contre les Danaïens, bien que rompu de lassitude. Mais la nécessité le veut. Puis, Hector, rends-toi à la ville et dis à notre mère qu'ayant réuni les femmes âgées dans le temple d'Athénée aux yeux clairs, au sommet de la citadelle, et ouvrant les portes de la maison sacrée, elle pose sur les genoux d'Athénée à la belle chevelure le péplos le plus riche et le plus grand qui soit dans sa demeure, et celui qu'elle aime le plus, et qu'elle s'engage à sacrifier dans son temple 12 génisses d'un an encore indomptées, si elle prend pitié de la ville et des femmes troyennes et de leurs enfants, et si elle détourne de la sainte Ilios le fils de Tydeus, le féroce guerrier qui répand le plus de terreur et qui est, je pense, le plus brave des Achaïens. Jamais nous n'avons autant redouté Achilleus, ce chef des hommes, et qu'on dit le fils d'une déesse, car Diomédès est plein d'une grande fureur, et nul ne peut égaler son courage. » Il parla ainsi, et Hector obéit à son frère. Il sauta hors du char avec ses armes, et, agitant deux lances aiguës, il allait de tous côtés par l'armée, excitant au combat, et il suscita une rude bataille. Et tous, s'étant retournés, firent tête aux Achaïens. Et ceux-ci, reculant, cessèrent le carnage, car ils croyaient qu'un immortel était descendu de l'Ouranos étoilé pour secourir les Troyens, ces derniers revenant ainsi à la charge. Et d'une voix haute, Hector excitait les Troyens. « Braves Troyens, et vous, alliés venus de si loin, soyez des hommes, souvenez-vous de tout votre courage, tandis que j'irai vers Ilios dire à nos vieillards prudents et à nos femmes de supplier les dieux et de leur vouer des hécatombes. » Ayant ainsi parlé, Hector au beau casque s'éloigna, et le cuir noir qui bordait tout autour l'extrémité du bouclier arrondi heurtait ses talons et son cou. Et Glaucos, fils d'Hippolochos, et le fils de Tydeus, prompts à combattre, s'avancèrent entre les deux armées. Et quand ils furent en face l'un de l'autre, le premier, Diomédès, hardi au combat, lui parla ainsi. « Qui es-tu entre les hommes mortels, ô très brave ? Je ne t'ai jamais vu jusqu'ici dans le combat qui glorifie les guerriers, et certes maintenant, tu l'emportes de beaucoup sur eux tous par ta fermeté, puisque tu as attendu ma longue lance. Ce sont les fils des malheureux qui s'opposent à mon courage. Mais si tu es quelque immortel, et si tu viens de l'Ouranos, je ne combattrai point contre les Ouraniens, car le fils de Dryas, le brave Lyocorgos, ne vécut pas longtemps, lui qui combattait contre les dieux ouraniens. Il poursuivait sur le sacré Nysa les nourrices du furieux Dionysos, et celles-ci, frappées du fouet du tueur d'hommes, Lycoorgos, jetèrent leurs tirses. Et Dionysos, effrayé, sauta dans la mer, et Téthys le reçut dans son sein, tremblant et saisi d'un grand frisson à cause des menaces du guerrier. Et les dieux qui vivent en repos furent irrités contre celui-ci, et le fils de Cronos le rendit aveugle. Il ne vécut pas longtemps, parce qu'il était odieux à tous les immortels. Moi, je ne voudrais point combattre contre les dieux heureux. Mais si tu es un des mortels qui mangent les fruits de la terre, approche, afin d'atteindre plus promptement aux bornes de la mort. » Et l'illustre fils de Hippolochos lui répondit. « Magnanime Tydeïde, pourquoi t'informes-tu de ma race ? La génération des hommes est semblable à celle des feuilles. Le vent répand les feuilles sur la terre, et la forêt germe et en produit de nouvelles, et le temps du printemps arrive. C'est ainsi que la génération des hommes naît et s'éteint. Mais si tu veux savoir quelle est ma race que connaissent de nombreux guerriers, sache qu'elle est une ville, Éphirée, au fond de la terre d'Argos féconde en chevaux. Là vécut Sisyphos, le plus rusé des hommes, Sisyphos Aïolides. Il engendra Glaucos, et Glaucos engendra l'irréprochable Bellérophontès, à qui les dieux donnèrent la beauté et la vigueur charmante. Mais Proïtos, qui était le plus puissant des Argiens, car Zeus les avait soumis à son sceptre, eut contre lui de mauvaises pensées et le chassa de son peuple. Car la femme de Proïtos, la divine Antéia, désira ardemment s'unir au fils de Glaucos par un amour secret. Mais elle ne persuada point le sage et prudent Bellérophontès. Et pleine de mensonges, elle parla ainsi au roi Proïtos. « Meurs, Proïtos, ou tu, Bellérophontès, qui par violence a voulu s'unir d'amour à moi. » Elle parla ainsi, et à ces paroles la colère saisit le roi. Il ne tua point Bellérophontès, redoutant pieusement ce meurtre dans son esprit. Mais il l'envoya en liquier avec des tablettes où il avait tracé des signes de mort, afin qu'il les remît à son beau-père et que celui-ci le tuât. et Bellérophontès alla en Lycée sous les heureux auspices des dieux. Et quand il y fut arrivé, sur les bords du rapide Autos, le roi de la grande Lycée le reçut avec honneur, lui fut hospitalier pendant 9 jours, et sacrifia 9 bœufs. Mais quand Éos, au doigt rosé, reparut pour la 10e fois, alors il l'interrogea, et demanda à voir les signes envoyés par son gendre Proïtos. Et quand il les eut vus, il lui ordonna d'abord de tuer l'indomptable Chimaria. Celle-ci était née des dieux et non des hommes, lion par devant, dragon par derrière, et chèvre par le milieu du corps, et elle soufflait des flammes violentes. Mais il la tua, s'étant fié au prodige des dieux. Puis il combattit les Solymes illustres. Il disait avoir entrepris là le plus rude combat des guerriers. Enfin, il tua les Amazones viriles. Comme il revenait, le roi lui tendit un piège rusé, ayant choisi et placé en embuscade les plus braves guerriers de la grande Lycée. Mais nul d'entre eux ne revit sa demeure, car l'irréprochable Bellérophontès les tua tous. Et le roi connut alors que cet homme était de la race illustre d'un dieu. Il le retint et lui donna sa fille et la moitié de sa domination royale. Et les Lycains lui choisirent un domaine, le meilleur de tous, plein d'arbres et de champs, afin qu'il le cultivât. Et sa femme donna 3 enfants au brave Bellérophontès, Isandros, Hippolochos et Laodameia. Et le sage Zeus s'unit à Laodamedia et elle enfanta le divin Sarpedon couvert d'airain. Mais quand Bellérophontès fut en haine aux dieux, il errait seul dans le désert d'Aleios. Arès, insatiable de guerre, tua son fils Isandros, tandis que celui-ci combattait les illustres Solymes. Artémis, au règne d'or, irritée, tua Laodameia. Hippolochos m'a engendré, et je dis que je suis né de lui. Il m'a envoyé à Troie, m'ordonnant d'être le premier parmi les plus braves, afin de point déshonorer la génération de mes pères qui ont habité Éphirée et la grande Lycée. Je me glorifie d'être de cette race et de ce sang. Il parla ainsi, et Diomédès, brave au combat, fut joyeux, et il enfonça sa lance dans la terre nourricière. Il dit avec bienveillance au prince des peuples, « Tu es certainement mon ancien hôte paternel. » Autrefois, le noble Oïnéus reçut pendant 20 jours dans ses demeures hospitalières l'irréprochable Bellérophontès. Ils se firent de beaux présents. Oïnéus donna un splendide ceinturon de pourpre et Bellérophontès donna une coupe d'or très creuse que j'ai laissée en partant dans mes demeures. Je ne me souviens point de Tydeus car il me laissa tout petit quand l'armée des Achaïens périt devant Thébée. C'est pourquoi je suis un ami pour toi dans Argos. Et tu seras le mien en Lycée quand j'irai vers ce peuple. Évitons nos lances, même dans la mêlée. J'ai à tuer assez d'autres Troyens illustres et d'alliés, soit qu'un dieu me les amène, soit que je les atteigne, et toi assez d'Achaïens, si tu le peux. Échangeons nos armes, afin que tous sachent que nous sommes des hôtes paternels. » Ayant ainsi parlé tous deux, ils descendirent de leur char et se serrèrent la main et échangèrent leur foi. Mais le chroné de Zeus troubla l'esprit de Glaucos, qui donna au Tydéi Diomédès des armes d'or du prix de 100 bœufs, pour des armes d'airain du prix de 9 bœufs. Dès que Hector fut arrivé aux portes Scaées et aux hêtres, toutes les femmes et toutes les filles des Troyens couraient autour de lui, s'inquiétant de leurs fils, de leurs frères, de leurs concitoyens et de leurs maris. Il leur ordonna de supplier toutes ensemble les dieux, un grand deuil étant réservé à beaucoup d'entre elles. Et quand il fut parvenu à la belle demeure de Priamos aux portiques éclatants, et là s'élevaient 50 chambres nuptiales de pierres polies, construites les unes auprès des autres, où couchaient les fils de Priamos avec leurs femmes légitimes, et en face dans la cour étaient 12 autres chambres nuptiales de pierres polies, construites les unes auprès des autres, où couchaient les gendres de Priamos avec leurs femmes chastes. Sa mère vénérable vint au-devant de lui, comme elle allait chez Laodiké, la plus belle de ses filles, et elle lui prit la main et parla ainsi, « Enfant, pourquoi as-tu quitté la rude bataille? Les fils odieux des Achaïens nous pressent sans doute et combattent autour de la ville, et tu es venu tendre les mains vers Zeus dans la citadelle? Attends un peu, et je t'apporterai un vin mielleux, afin que tu en fasses des libations au père Zeus et aux autres immortels, et que tu sois ranimé en ayant bu. » Car le vin augmente la force du guerrier fatigué, et ta fatigue a été grande, tandis que tu défendais tes concitoyens. et le grand Hector, au casque mouvant, lui répondit « Ne m'apporte pas un vin mielleux, mère vénérable, de peur que tu m'affaiblisses et que je perde force et courage. Je craindrais de faire des libations de vin pur à Zeus avec des mains souillées, car il n'est point permis, plein de sang et de poussière, d'implorer le Cronion qui amasse les nuées. Donc, porte des parfums et réunis les femmes âgées dans le temple d'Athénée dévastatrice, et dépose sur les genoux d'Athénée, à la belle chevelure, le péplos le plus riche et le plus grand qui soit dans ta demeure, et celui que tu aimes le plus. Et promets de sacrifier dans son temple 12 génisses d'un an, encore indomptées, si elle prend pitié de la ville et des femmes troyennes et de leurs enfants, et si elle détourne de la sainte Ilios le fils de Tydeus, le féroce guerrier qui répand le plus de terreur. Va donc au temple d'Athénée dévastatrice, et moi j'irai vers Paris, afin de l'appeler, si pourtant il veut entendre ma voix. Plutôt Dieu que la terre s'ouvrit sous lui, car l'Olympien l'a certainement nourri pour la ruine entière des Troyens, du magnanime Priamos et de ses fils. Si je le voyais descendre chez Aïdès, mon âme serait délivrée de ses amères douleurs. » Il parla ainsi, et Hécabée se rendit à sa demeure, et commanda aux servantes. Et celles-ci, par la ville, réunirent les femmes âgées. Puis Hécabée entra dans sa chambre nuptiale parfumée, où étaient des péplos, diversement peints, ouvrage des femmes sidoniennes, que le divin Alexandros avait ramené de Sidon, dans sa navigation sur la haute mer, par où il avait conduit Hélénée, née d'un père divin. Et, pour l'offrir à Athénée, Hécabée en prit un, le plus beau, le plus varié et le plus grand, et il brillait comme une étoile, et il était placé le dernier. Et elle se mit en marche, et les femmes âgées la suivaient. Et quand elles furent arrivées dans le temple d'Athénée, Théano, aux belles joues, fille de Chicéis, femme du dompteur de chevaux en Ténor, leur ouvrit les portes, car les Troyens l'avaient faite prêtresse d'Athénée. Et toutes, avec un gémissement, tendirent les mains vers Athénée. Et Théano, aux belles joues, ayant reçu le péplos, le déposa sur les genoux d'Athénée à la belle chevelure, et, en le lui vouant, elle priait la fille du grand Zeus. « Vénérable Athénée, gardienne de la ville, très divine déesse, brise la lance de Diomédès, et fais-le tomber lui-même devant les portes scaies, afin que nous te sacrifions dans ton temple 12 génisses d'un an, encore indomptées, si tu prends pitié de la ville, des femmes troyennes et de leurs enfants. » Elle parla ainsi dans son vœu, et elle suppliait ainsi la fille du grand Zeus. Mais Pallas Athénée les refusa. Hector gagna les belles demeures d'Alexandros, que celui-ci avait construites lui-même, à l'aide des meilleurs ouvriers de la riche Troie. Et ils avaient construit une chambre nuptiale, une maison et une cour, auprès des demeures de Priamos et de Hector, au sommet de la citadelle. Ce fut là que Hector, cher à Zeus, entra. Il tenait à la main une lance haute de 10 coudées, et une pointe d'airain étincelait à l'extrémité de la lance, fixée par un anneau d'or, et, dans la chambre nuptiale, il trouva Alexandros qui s'occupait de ses belles armes, polissant son bouclier, sa cuirasse et ses arcs recourbés. Et l'Argène et l'aînée étaient assises au milieu de ses femmes, dirigeant leurs beaux travaux. Et Hector, ayant regardé Paris, lui dit ces paroles outrageantes. « Misérable, la colère que tu as ressentie n'était point bonne. Nos troupes périssent autour de la ville, sous les hautes murailles. » Grâce à toi, les clameurs de la guerre montent avec fureur autour de cette ville, et tu blâmerais toi-même celui que tu verrais s'éloigner de la rude bataille. Lève-toi donc, si tu ne veux voir la ville consumée bientôt par la flamme ardente. » Et le divin Alexandros lui répondit, « Hector, puisque tu ne m'as point blâmé avec violence, mais dans la juste mesure, je te répondrai. Je ne restais point dans ma chambre nuptiale par colère ou par indignation contre les Troyens, mais pour me livrer à la douleur. Maintenant que mon épouse me conseille par de douces paroles de retourner au combat, je crois comme elle que cela est pour le mieux. La victoire exauce tour à tour les guerriers, mais attends que je revête mes armes belliqueuses ou précède-moi, je vais te suivre. » Il parla ainsi, et Hector ne lui répondit rien. Et Hélénée dit à Hector ces douces paroles. « Mon frère, frère d'une misérable chienne de malheur et horrible, plutôt Dieu qu'au jour même où ma mère m'enfanta, un furieux souffle de vent m'eût emporté sur une montagne ou abîmé dans la mer tumultueuse, et que l'onde m'eût englouti avant que ces choses fussent arrivées. Mais, puisque les dieux avaient résolu ces maux, je voudrais être la femme d'un meilleur guerrier et qui souffrit au moins de l'indignation et des exécrations des hommes. Mais celui-ci n'a point un cœur inébranlable, et il ne l'aura jamais, et je pense qu'il en portera bientôt la peine. Viens, mon frère, entre et prends ce siège, car ton âme est pleine d'un lourd souci. Grâce à moi, chienne que je suis, et grâce au crime d'Alexandros, Zeus nous a fait à tous deux une mauvaise destinée, afin que nous soyons célèbres par là chez les hommes qui naîtront dans l'avenir. » Et le grand Hector au casque mouvant lui dit « Ne me fais point asseoir, Hélénée, bien que tu m'aimes, car tu ne me persuaderas point. Mon cœur est plein du désir de secourir les Troyens qui regrettent vivement mon absence. Mais excite Paris et qu'ils se hâtent de me suivre, tandis que je serai encore dans la ville. Je vais dans ma demeure revoir mes serviteurs, ma femme bien-aimée et mon petit enfant. Je ne sais s'il me sera permis de les revoir jamais plus, ou si les dieux me dompteront par les mains des Achaïens. » Ayant ainsi parlé, Hector, au casque mouvant, sortit et parvint bientôt à ses demeures. Il n'y trouva point Andromaché au bras blanc, car elle était sortie avec son fils et une servante au beau Péplos, et elle se tenait sur la tour, pleurant et gémissant. Hector, n'ayant point trouvé dans ses demeures sa femme irréprochable, s'arrêta sur le seuil et parla ainsi aux servantes. « Venez, servante, et dites-moi la vérité. Où est allée hors des demeures Andromaché au bras blanc? Est-ce chez mes sœurs ou chez mes belles-sœurs au beau Péplos, ou dans le temple d'Athénée avec les autres Troyennes qui apaisent la puissante déesse à la belle chevelure ?» Et la vigilante intendante lui répondit « Hector, puisque tu veux que nous disions la vérité, elle n'est point allée chez tes sœurs, ni chez tes belles-sœurs au beau Péplos, ni dans le temple d'Athénée avec les autres Troyennes qui apaisent la puissante déesse à la belle chevelure. Mais elle est au fait de la vaste tour d'Ilios, ayant appris une grande victoire des Achaïens sur les Troyens. Et, pleine d'égarement, elle s'est hâtée de courir aux murailles, et la nourrice auprès d'elle portait l'enfant. » Et la femme attendante parla ainsi. Hector, étant sorti de ses demeures, reprit son chemin à travers les rues magnifiquement construites et populeuses, et, traversant la grande ville, il arriva au Portesquet, par où il devait sortir dans la plaine. Et sa femme, qui lui apporta une riche dot, accourut au-devant de lui. Andromaché, fille du magnanime Héétion, qui habita sous le Placos couvert de forêts, dans Thébé, Hippoplachienne, et qui commanda aux Kilikiens. Et sa fille était la femme de Hector au casque d'airain. Et quand elle vint au-devant de lui, une servante l'accompagnait, qui portait sur le sein son jeune fils, petit enfant encore, le Hectoréide bien-aimé, semblable à une belle étoile. Hector le nommait Scamandrios, mais les autres Troyens Astyanax, parce que Hector seul protégeait Troie. Et il sourit en regardant son fils en silence. Mais Andromaché, se tenant auprès de lui en pleurant, prit sa main et lui parla ainsi. « Malheureux, ton courage te perdra, et tu n'as pitié ni de ton fils enfant, ni de moi, misérable, qui serai bientôt ta veuve, car les Achaïens te tueront en se ruant tous contre toi. » Il vaudrait mieux pour moi, après t'avoir perdu, subir la sépulture, car rien ne me consolera quand tu auras accompli ta destinée. Il ne me restera que mes douleurs. Je n'ai plus ni mon père, ni ma mère vénérable. Le divin Achilleus tua mon père quand il saccagea la ville populeuse des Kilikiens, Thébé aux portes hautes, et les tua à Étion, mais il ne le dépouilla point. Par un respect pieux, il le brûla avec ses belles armes. Il lui éleva un tombeau. Et les nymphes Orestiades, filles de Zeus tempétueux, plantèrent des ormes autour. J'avais 7 frères dans nos demeures, et tous descendirent en un jour chez Aïdès, car le divin Achilleus, aux pieds rapides, les tua tous, auprès de leurs bœufs aux pieds lents et de leurs blanches brebis. Il emmena, avec les autres dépouilles, ma mère qui régnait sous le placos planté d'arbres, et l'affranchit bientôt pour une grande rançon. Mais Artémis, qui se réjouit de ses flèches, la perça dans nos demeures. Hector, tu es pour moi un père, une mère vénérable, un frère et un époux plein de jeunesse. Aie pitié, reste sur cette tour, ne fais point ton fils orphelin et ta femme veuve. Réunis l'armée auprès de ce figuier sauvage où l'accès de la ville est le plus facile. Déjà 3 fois, les plus courageux des Achaïens ont tenté cet assaut, les deux Aïas, l'illustre Idoménéus, les Atréides et le bras fils de Tydéus, soit par le conseil d'un divinateur, soit par le seul élan de leur courage. Et le grand Hector, au casque mouvant, lui répondit « Certes, femme, ces inquiétudes me possèdent aussi, mais je redouterais cruellement les Troyens et les Troyennes aux longs péplos traînants, si, comme un lâche, je fuyais le combat. Et mon cœur ne me pousse point à fuir, car j'ai appris à être toujours audacieux et à combattre parmi les premiers pour la gloire de mon père et pour la mienne. Je sais dans mon esprit et dans mon cœur qu'un jour viendra où la Sainte Troie périra, et Priamos et le brave peuple de Priamos. Mais ni le malheur futur des Troyens, ni celui de Hécabée elle-même, du roi Priamos et de mes frères courageux, qui tomberont en foule sous les guerriers ennemis, ne m'afflige autant que le tien, quand un Achaïen cuirassé d'airain te ravira la liberté et t'emmènera pleurante. Et tu tisseras la toile de l'étranger, et tu porteras de force l'eau de Messéis et de Hyperéie, car la dure nécessité le voudra. Et, sans doute, quelqu'un dira, te voyant répandre des larmes, « Celle-ci est la femme de Hector, qui était le plus brave des Troyens dompteurs de chevaux, quand ils combattaient autour de Troie. » Quelqu'un dira cela, et tu seras déchiré d'une grande douleur, en songeant à cet époux que tu auras perdu, et qui seul pourrait finir ta servitude. Mais que la lourde terre me recouvre mort avant que j'entende tes cris, et que je te voie arraché d'ici. » Ayant ainsi parlé, l'illustre Hector tendit les mains vers son fils, mais l'enfant se rejeta en arrière dans le sein de la nourrice à la belle ceinture, épouvanté à l'aspect de son père bien-aimé, et de l'airain et de la queue de cheval qui s'agitait terriblement sur le cône du casque. Et le père bien-aimé sourit, et la mère vénérable aussi. Et l'illustre Hector ôta son casque et le déposa, resplendissant sur la terre, et il baisa son fils bien-aimé, et, le berçant dans ses bras, il supplia Zeus et les autres dieux. « Zeus, et vous, Dieu, faites que mon fils s'illustre comme moi parmi les Troyens, qu'il soit plein de force et qu'il règne puissamment dans Troie, qu'on dise un jour, le voyant revenir du combat, celui-ci est plus brave que son père, qu'ayant tué le guerrier ennemi, il rapporte de sanglantes dépouilles, et que le cœur de sa mère en soit réjoui. » Ayant ainsi parlé, il déposa son enfant entre les bras de sa femme bien-aimée, qui le reçut sur son sein parfumé, en pleurant et en souriant. Et le guerrier, voyant cela, la caressa de la main et lui dit « Malheureuse, ne te désespère point à cause de moi. Aucun guerrier ne m'enverra chez Aïdès contre ma destinée, et nul homme vivant ne peut fuir sa destinée, lâche ou brave. Mais retourne dans tes demeures, prends soin de tes travaux, de la toile et de la quenouille, et mets tes servantes à leurs tâches. Le souci de la guerre appartient à tous les guerriers qui sont nés dans Ilios, et surtout à moi. » Ayant ainsi parlé, l'illustre Hector reprit son casque à flottante queue de cheval, et l'épouse bien-aimée retourna vers ses demeures, regardant en arrière et versant des larmes. Et aussitôt qu'elle fut arrivée aux demeures du tueur d'hommes Hector, elle y trouva ses nombreuses servantes en proie à une grande douleur. Et celle-ci pleurait dans ses demeures, Hector encore vivant, ne pensant pas qu'il revint jamais plus du combat, ayant échappé aux mains guerrières des Achaïens. Et Paris ne s'attardait point dans ses hautes demeures, mais, ayant revêtu ses armes excellentes d'un airain varié, il parcourait la ville de ses pieds rapides, tel qu'un étalon qui, longtemps nourri d'orge à la crèche, ses liens étant rompus, court dans la plaine en frappant la terre, et saute dans le fleuve au beau cours où il a coutume de se baigner. Et il redresse la tête, et ses crins flottent épars sur ses épaules, et fier de sa beauté, ses jarrets le portent d'un trait au lieu où paissent les chevaux. Ainsi Paris Priamide, sous ses armes éclatantes comme l'éclair, descendait de la hauteur de Pergamos, et ses pieds rapides le portaient. Et voici qu'il rencontra le divin Hector, son frère, comme celui-ci quittait le lieu où il s'était entretenu avec Andromaque. Et le premier, le roi Alexandros, lui dit « Frère vénéré, sans doute je t'ai retardé, et je ne suis point venu promptement, comme tu me l'avais ordonné. » Hector, au casque mouvant, lui répondit « Ami, aucun guerrier avec équité ne peut te blâmer dans le combat, car tu es brave, mais tu te lasses vite, et tu refuses alors de combattre. Et mon cœur est attristé par les outrages que t'adressent les Troyens, qui subissent tant de maux à cause de toi. Mais allons, et nous apaiserons ces ressentiments, si Zeus nous donne d'offrir un jour, dans nos demeures, un libre cratère aux dieux ouraniens qui vivent toujours, après avoir chassé loin de toi les Achaïens aux belles Cnémides.